On est de retour à la table d'hôte, toujours Jérôme Boucher qui est à l'animation, avec Louis Leroy à la co-animation ce midi. Blablabla. Et nous sommes avec Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut de technologie dans l'information et des sociétés de l'Université Laval. Salut Raymond. Salut. Et ce midi, tu es là pour nous parler de l'application des citoyens dans la politique municipale grâce aux médias sociaux. Exactement. En fait, bien, il faut dire que dans le contexte, enfin, on parle beaucoup de villes intelligentes, de technologie, de bonifier un peu la manière dont on gère les villes. Mais il faut garder en tête aussi que quand on parle d'intelligence, faut que ça s'étende pas seulement aux infrastructures, mais également aux citoyens. Donc, de pouvoir rendre les outils technologiques accessibles pour les citoyens et d'utiliser aussi les outils technologiques pour justement favoriser leur implication. Parce qu'il faut dire aussi qu'on fait pas les choses aujourd'hui comme on les faisait il y a 5, 10, 15, 20 ans. Ça a beaucoup changé avec, bon, certes la montée d'Internet, mais aussi au sens large, la montée des médias sociaux. Aujourd'hui, je peux, moi, personnellement, décider d'écrire au président des États-Unis de manière directe sur Twitter. Je peux m'impliquer sur des pages Facebook. Je peux relayer mon opinion aussi via, justement, les médias sociaux. Donc, il y a quand même une implication qui est peut-être un peu plus facile aujourd'hui au niveau politique que ce ne l'était jadis. C'est plus facile de s'engager politiquement, de faire connaître son opinion, de la diffuser. On n'a pas besoin d'aller à une assemblée de parti. On le fait sur Facebook. On n'a pas besoin de devenir membre d'une formation politique. On peut simplement donc l'appuyer via les pages et autres. Donc, ça change un peu la donne. En ajoutant ça, la diffusion Internet, je pense aux conseils municipaux, par exemple, où la diffusion Internet se fait très facilement et que les citoyens peuvent poser des questions à partir de leur propre ordinateur, finalement. Exactement. Et c'est des éléments comme ça, justement, qu'il faut mettre de l'avant, qu'il faut essayer d'intégrer de plus en plus pour pouvoir permettre aux citoyens de pousser plus loin leur engagement. Dans le fond, de dire, ben oui, j'ai une opinion, oui, je la partage, oui, je signale mes goûts, mais j'ai envie de faire un peu plus pour, justement, m'impliquer politiquement. Mm-hmm. Et à cela, justement, l'idée de diffuser via le web, par exemple, des conseils municipaux, de permettre des interactions avec les citoyens via des ordinateurs, ben c'est une piste qui est extrêmement intéressante et qui pourrait même être plus largement étendue. Je donne un exemple, en fait, en France, je crois que c'est dans une petite ville, en fait, je retrouve ma feuille. Dans une toute petite ville, on a décidé de mettre en ligne les conseils de quartier. Donc, l'idée étant de pouvoir permettre aux gens de voir ce qui s'est passé, de voir par après ce qui s'est passé et éventuellement de s'impliquer un peu plus sur les sujets qui sont mis de l'avant, justement, dans ces rencontres-là. Et le fait de les avoir mis en ligne, si on fait un comparatif au niveau de la participation des citoyens, simplement au niveau du vote, là. Oui. Aujourd'hui, exemple à Québec, dans certaines zones, dans certains quartiers, on a de la misère à avoir des candidats, donc d'avoir des gens pour siéger à ces conseils-là. Il y a souvent des sièges qui sont vacants. Et là-bas, en fait, ils ont remarqué qu'il y avait 15 % d'électeurs de plus par rapport aux élections, donc entre 2005 et 2008. Donc, ça a quand même aussi de 15 % en 3 ans, simplement parce que les sujets étaient disponibles, simplement parce que c'était possible aussi, parce qu'ils ont poussé un peu plus loin, de se présenter par téléprésence. Ouais. Donc, de dire, bon, OK, la soirée d'élection, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut se libérer, mais on peut aussi se présenter via Internet. On peut discuter avec les gens via, justement, des systèmes de téléprésence. On a juste à penser à chez nous aussi, parce que le vote des 18-24 au dernier scrutin provincial a connu une forte hausse. Là. On parle de pratiquement 70 % là, de taux de participation comparativement à quelque chose qui était inférieur à 50 % auparavant. Là. Exactement. Donc, ça a une influence extrêmement forte et il faut que l'on en profite justement pour s'assurer que le système s'adapte, mais que le système continue d'intéresser aussi les gens à travers tout ça. Et autre exemple, en fait, parce qu'on dit, bon, OK, si on diffuse le conseil, si on le présente en clavardage et le reste, donc c'est déjà une étape, mais on peut quand même pousser même un peu plus loin. Il y a une commune en France qui s'appelle ici les Moulineaux qui ont décidé de proposer à chaque mois des débats participatifs aux citoyens et citoyennes de leur commune. Donc essentiellement, ils disent aux gens, ben voici le sujet sur lequel le conseil municipal se prononcera à telle date. Vous avez 30 jours pour nous partager vos opinions, en discuter entre vous. Et nous, on a des gens qui vont suivre les discussions, qui vont les animer et qui vont en sortir le consensus qui en aura ressorti, dans le fond, qui en aura jailli. Donc, c'est quand même assez intéressant aussi. C'est de dire, ben oui, on partage une opinion sur Facebook. Oui, c'est facile de dire, ben, OK, j'aime tel article, je le mets, je le partage à mes 1000 amis ou mes 500 amis. Mais c'est qu'est-ce qui me dit que les décideurs vont véritablement prendre le temps ou avoir accès à ce que je vais avoir dit via ces moyens-là. Donc, c'est de dire aux gens, ben OK, oui, vous pouvez le faire. Mais si vous intégrez, par exemple, tel type d'hashtag, tel type de code, ben vous êtes certain que ça va également être intégré à la discussion officielle qui se passe via les plateformes de la municipalité. Et vous êtes certain aussi que ce que vous avez dit, ce que vous avez diffusé, ça va être lu par les décideurs, par les gens qui ont le pouvoir d'agir. Et ça va renforcer aussi justement la proximité qui est de toute façon déjà présente. Je le disais au départ, si on peut tweeter au président des États-Unis, je veux dire, y a une notion de proximité qui est de plus en plus importante. Mm-hmm. Mais ça va le renforcer et ça va le renforcer aux instances aussi à travers lesquelles il devrait justement y avoir le plus de proximité. Quand on parle de conseil de quartier, de municipalité, le reste, faut commencer par là justement pour réunir ces choses. D'ailleurs, c'est cette accessibilité-là qui a permis à plusieurs citoyens de voir les événements, par exemple, au conseil municipal de Saint-Bruno ou même au conseil municipal de Lévis où les maires des villes respectives ont été quelque peu antidémocratiques avec leurs citoyens. Et c'est sûr que là-dedans aussi, quand on dit aux gens, ben, prenez part au débat, prenez part au processus de décision, l'autre défi, c'est de leur donner des outils aussi pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Oui. Parce que, je veux dire, on l'a vu dans certains débats ici, quand on parle d'urbanisme, par exemple, on a les architectes qui nous arrivent avec un dessin qui représenterait l'immeuble et le quartier, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Il y a des groupes de citoyens qui disent, ben non, c'est normalement pas ça. Si on fait tel autre calcul, ça devrait ressembler à ça. Et finalement, on se retrouve avec 3-4 versions d'un plan d'urbanisme, alors que pourtant, même à Québec et ailleurs, en fait, il y a des outils technologiques qui existent et qui pourraient être amplifiés pour favoriser les débats de ce type-là et s'assurer que tout le monde parle le même langage. Et je pense que c'est un des avantages, en fait, des outils technologiques là-dedans. Exemple, la 3D, si on modélise une ville, on fait la modélisation 3D d'un quartier, on intègre les nouvelles données au niveau de l'immeuble, on fait des simulations d'ensoleillement, il reste. Il y a comme une zone d'erreur de A qui est moins présente, qui laisse moins place à l'interprétation. Et de B, ça donne un langage commun à tout le monde de dire, ben voici, c'est la version officielle. Exact. Et là, on a les acteurs municipaux, on a les citoyens, on a les groupes sociaux, on a les acteurs gouvernementaux, les entrepreneurs privés qui parlent exactement le même langage autour de la même table, des mêmes données. Tout le monde sait exactement à quoi s'en tenir, finalement. À terme, on pourra faire une espèce de SimCity de son quartier puis vraiment planifier le développement de l'urbanisme. Et penser au vote. Mais c'est déjà un peu comme ça à Québec, à certains égards. Je veux dire, Québec a une modélisation 3D de la ville qui existe. Ouais. S'ils veulent faire des tests, ils le restent. Donc, il s'agirait de voir de quelle manière on peut intégrer cet outil-là dans un processus qu'on pourrait appeler de la médiation urbaine. Donc, d'utiliser un outil pour dire, ben voilà, à quoi ça pourrait ressembler, etc., etc. C'est un outil qui existe déjà, mais c'est pas une utilisation qui est encore peut-être étendue pour différentes raisons. Je veux dire, au niveau technologique, c'est pas nécessairement facile non plus de le faire. Non. Mais c'est une piste qui pourrait être intéressante. C'est un exemple. Il pourrait en avoir d'autres aussi. On parle de modélisation 3D, on parle de réseaux sociaux, bon, d'implication. Mais en même temps, l'autre défi aussi, c'est que tout ça est virtuel. Et ça, c'est toujours un peu dommage. Enfin, on fait des avancées, on crée un sentiment, un réseau, une unité virtuellement, mais on n'a pas de moyen de l'exprimer physiquement. Exact. Et je veux dire, je peux marcher, par exemple, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, il y a à peu près personne, par exemple, en hiver, il fait froid. Dans la rue, il y a personne. Mais pourtant, il y a plein de gens qui parlent de la rue Saint-Jean-Baptiste. Il y a peut-être des gens qui ont lancé des anecdotes sur Twitter, sur Facebook, par rapport à cette artère-là. Et en farfouillant sur les éléments de mobilier urbain intelligent, je suis tombé sur un exemple qui a été testé à Lyon et que j'ai trouvé assez fascinant. C'est un projet d'étude, en fait, carrément. Et eux, ils ont décidé de créer un poteau de signalisation, un panneau de signalisation 2.0 qui devient une forme de matérialisation des médias sociaux dans la ville. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a donc le panneau, il y a, exemple, deux flèches dessus. Et à chaque 5 minutes, le texte des flèches change. Ce texte des flèches-là est alimenté de deux sources. D'une source, les médias sociaux de la ville, les médias sociaux officiels, les agendas de loisirs qui disent, OK, il y a un spectacle, il y a une alerte déneigement, il y a un événement quelconque, un événement démocratique. Donc, c'est relayé là-dessus. Et à chaque 5 minutes, eh ben, exemple, si c'était à Québec, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, on me dirait, il y a un spectacle au Trident, ben, la flèche se mettrait en direction du théâtre du Trident et pendant 5 minutes, ça serait affiché, ben, tel spectacle à telle heure, dans telle direction. Excellent. Et si on pousse un peu plus, parce que l'autre source, c'est les citoyens. Donc, si moi, je passe dans le coin et j'ai un appartement à louer à peu près, mettons, 50 mètres du panneau. Donc, je peux tweeter avec un hashtag précis et ça va envoyer au mécanisme du panneau qui, un certain temps après, va afficher mon appartement loué à 50 mètres. Je vais avoir intégré une donnée de géolocalisation, donc ça va donner la direction vers laquelle les gens doivent marcher pour aller à mon appartement. Et pendant 5 minutes, cette information-là va être affichée aussi sur ce panneau-là. Donc c'est un panneau littéralement interactif. S'il n'y a rien, c'est des informations officielles. S'il y a des informations qui sont proposées par les citoyens, qui sont pertinentes, parce qu'il y a quand même un système de, disons, de censure, à défaut de meilleurs termes, de modérateur, parce que sinon, n'importe quelle dérive est possible, mais on retrouve donc cette information-là. Et donc, ce qui fait que, oui, on a d'un côté des citoyens qui participent à la ville dans les médias sociaux et dans des outils technologiques, que oui, on a utilisé ces outils technologiques-là pour créer un langage commun et un outil de rencontre commune, mais que de C, on est en mesure aussi de trouver des outils pour rendre palpable pour les gens qui circulent dans la ville ce qui se passe virtuellement. Ben c'est assez étonnant. Puis je sais pas, je me pose la question, est-ce que c'est pas une manière 2.0 de recréer le perron d'église, finalement, où tout le monde se parlait, tout le monde était au courant de tout ce qui se passait dans la ville? Ça m'a fait penser à ça aussi. Oui, tout à fait. Moins, ça ressemble à ça. Les médias sociaux, les blogs, la blogosphère et le reste, ça l'est déjà. Mm-hmm. À bien des égards, ça l'est déjà. C'est juste que physiquement, on peut ne pas s'en rendre compte, on peut passer à côté d'énormément de choses. Exactement. Il y a tellement, ça foisonne tellement les médias sociaux qu'à un certain moment, il faut être assez sélectif. Mais comme on le soulignait tantôt, ça demeure quand même un sentiment d'appartenance qui demeure virtuel. Exactement. À suivre, donc. À suivre, en fait, et chercher, en fait, dans les réflexions autour de la médiation urbaine à travers les médias sociaux. Le reste, là, c'est quelque chose à suivre et à surveiller parce que c'est peut-être un peu justement la prochaine étape dans l'engagement et l'implication des citoyens à travers les outils technologiques. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça me fait plaisir. Et nous,